Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International, la Belle Église, à Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ce matin? Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, te disons merci ce matin. Commence à prier pour toi-même. Dis, Seigneur, je veux recevoir ta parole ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le plein contrôle. Viens toucher la vie ce matin. Viens transformer la vie de quelqu'un ce matin. Viens donner un nouveau départ à quelqu'un ce matin. Nous t'invitons ce matin, viens prendre le plein contrôle. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci infiniment, les trois fois c'est pour ton amour envers nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tous les saints disent Amen. Alléluia. Dis bonjour à ton voisin ce matin. Dis à ton voisin félicitations. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir ce matin? La présence de Dieu. Je vous apporte la salutation de Sister Simone. Alléluia. Je pense que c'est un privilège qu'elle m'a donné d'être ici au premier culte. Tant bien que je voudrais bien être au troisième culte avec elle. Alléluia. C'est une prière et je pense que Dieu peut les aussi. Alléluia. Amen. Ce matin, ils sont vraiment bénis avec la chorale, avec Praise and Worship, avec Drama. Je croyais qu'ils allaient juste partager la grâce. On prenait les offrandes et puis on partait. Parce qu'ils ont fait un très bon sketch qui nous parle de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Carole, bonjour. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Amen. Ce matin, j'aimerais bien partager la parole de Dieu. Et j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir la Bible dans Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du verset 14. C'est un passage que beaucoup de personnes connaissent. Matthieu 25, à partir du verset 14. Je ne vais pas prêcher longtemps. On dit à ton voisin, ne ferme pas les yeux. Alléluia. Nous sommes normalement en dress down, on ne porte pas la cravate. Tant bien qu'il y a certaines personnes qui manquent cela. Ils aimeraient bien être en veste ce matin. C'est juste pour l'évangélisation. Nous partons en évangélisation. Et on dit seulement aux gens que lorsque tu viens à l'église, tu me vois habillé de telle manière. Il y a certaines personnes qui sont en dress down, mais ils sont en dress up. Ils ne sont pas vraiment en dress down. Amen. Donc, c'est un temps d'évangélisation que nous sommes en train de faire. Donc, ceux qui sont là pour la première fois, ne soyez pas surpris de voir qu'il y a quelqu'un, certaines personnes en prison qui ont porté le pantalon déchiré. C'est seulement le swag. Alléluia. Amen. Alléluia. Matthieu 25, à partir du verset 14. Est-ce que tu peux prendre ta Bible et lire avec moi? Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui reçut les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur dit et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5. » Alléluia. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. tu as été fidèle en peu de choses. Et non, je te confierai beaucoup. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui a reçu les deux talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Le maître, c'est un peu dur. Hein? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Alléluia. Car on donnera à celui qui a et à celui qui... Et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez suivi la lecture de la parole de Dieu. Amen. Je pense qu'on peut partager la grâce et rentrer chez nous. Amen. Ce matin, je veux parler sur les raisons pour lesquelles les gens n'utilisent pas leurs talents. Les raisons pour lesquelles les gens n'utilisent pas leurs talents ou bien le don que Dieu leur a donné. Amen. Vous savez, dans cette histoire, lorsque le maître partait, il a remis des talents à ses serviteurs. À une personne, il a donné 5. À une autre personne, il a donné 2. Au troisième, il a donné qu'un seul talent. Alléluia. Et Dieu a donné à chacun de nous une tâche à accomplir sur cette terre. Amen. Dieu nous a accordé à chacun d'entre nous un talent, un don. Et vous allez voir que beaucoup d'entre nous, nous cachons derrière beaucoup de raisons pour ne pas utiliser ces dons. Amen. Et ce matin, je voudrais juste donner quelques raisons. Peut-être la semaine prochaine, je vais continuer à cause de l'heure. Amen. La première raison pour laquelle les gens n'utilisent pas leur talent. Qui veut le savoir? C'est la peur. Alléluia. La première raison pour laquelle beaucoup de personnes n'utilisent pas leur talent, c'est la peur. Si vous lisez dans Matthieu 5, 25, le verset 25, il dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui, qui ici croit qu'il a un talent, qu'il a un don? Moi, je suis sûr que beaucoup, tout le monde ici a un don en particulier. Et à certaines personnes, c'est peut-être le don de jouer un instrument. Certaines personnes, c'est de bien parler. Certaines personnes, c'est de pouvoir organiser. Dieu a donné le don à beaucoup de personnes. Moi, de plus, lorsque je regarde beaucoup de personnes, ceux qui sont proches de moi, de plus, je les envie, je dis, ah, si je pouvais avoir le don qu'ils ont, si je pouvais être comme Rénès, la manière il parle le français, la manière il arrive à prier avec zèle. Oh Seigneur, ça serait trop bon. Yeah. Si je pouvais chanter comme qui? Comme Olias. Oh. Des fois, lorsque je suis assis et qu'il prend le micro pour chanter, il ne chante pas trop bien. Mais il a un don. Il a un don. Lorsqu'il prend le micro, il chante. Ça me touche. Il y a quelque chose qui se passe en moi. Et je dis, oh Seigneur, si je pouvais avoir sa voix. Et peut-être lui-même ne le sait pas. Et je suis en train de dire ici ce matin que beaucoup d'entre nous n'utilisons pas notre don parce que nous avons peur. Nous avons peur. Et nous avons peur pourquoi? Parce que les gens vont se moquer de nous. Alléluia. Moi, la raison pour laquelle je n'arrive pas à danser, parce que j'ai peur que les gens se moquent de moi. Les gens se moquent toujours de moi lorsque je danse. Or que je suis un très bon danseur. Dans le cœur. Alléluia. La peur. Le serviteur, lorsque Dieu, le Seigneur partait, lui a remis un talent. Et il a dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur et j'ai caché le talent. Je suis parti le mettre dans un trou. Et beaucoup ici, Dieu vous a donné quelque chose. Ce qui est bizarre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui savent danser. Les francophones savent danser. Mais si vous regardez le groupe des dancistes là, il y a très peu de personnes. Il y a très peu de personnes. Vous gardez vos talents, vos dons pour autre chose. Vous gardez vos talents pour votre boss au bureau. Votre talent pour la maison. Certaines personnes, elles savent décorer. Vous leur donnez une chambre qui est sale. Ils vont changer cette chambre-là tout de suite. Dans quelques minutes, vous allez voir que la chambre-là, vous n'allez même pas reconnaître la chambre. Yeah. Dieu a donné le talent à beaucoup de personnes. Certaines personnes de jouer à des instruments. Yeah. Je vois quelqu'un comme Carl, lorsqu'il prend sa guitare, il chante et puis il joue également. C'est très beau. C'est un talent, c'est un don. Mais beaucoup d'entre nous, nous nous cachons derrière cette raison. Et la première raison, c'est parce que nous avons peur. Je dis souvent au groupe des stars, lorsqu'ils montent sur les stars, je dis, vous chantez très bien. Lorsque vous venez dans mon bureau pour chanter, vous chantez très bien. Et mais lorsque vous montez sur les stars, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous arrive. Il y a une peur qui vous envahit. Et là, cette peur vous empêche de faire ce que vous devez vraiment faire pour Dieu. De bénir quelqu'un. Et c'est là que vous commencez maintenant à... est-ce que je chante bien? Est-ce que je ne chante pas bien? La peur! Alléluia! La peur. Lorsque je vais monter sur l'escalier, quelqu'un va se moquer de moi. La peur de commencer une cellule. Yeah. Est-ce que cette cellule va marcher? La peur d'évangéliser. Est-ce que lorsque j'irai vers quelqu'un parler de Jésus, est-ce que la personne sera sauvée? Amen. Qui ici, quoi qu'il a un don? Il y a certaines personnes qui ne sont pas sûres. Et c'est vrai. Certaines personnes, beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils ont un don. Yeah. Et la seule manière de savoir que tu as un don, c'est de pouvoir faire quelque chose. Fais quelque chose seulement. Tu verras que tu as le don de faire ceci, de faire cela. Le don, c'est quelque chose qu'on t'a donné. Tu ne fais pas trop d'efforts. Tu ne fais pas trop d'efforts pour un don. Moi, ça m'a pris beaucoup d'années pour savoir les dons que j'ai. Et jusqu'à présent, c'est seulement un seul don que je connais. Alléluia. Certaines personnes peuvent venir me voir et me dire, oh non, tu as ce don. Et c'est... Les gens peuvent facilement voir les dons dans ta vie. Si toi, tu ne le vois pas. Alléluia. Parce que c'est quoi? C'est quelque chose qui est en toi. Et c'est très facile pour quelqu'un de voir le don qui est en toi. Mais toi, tu n'exerces pas ton don parce que tu as peur. Tu as peur. Et la peur, le diable utilise la peur dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le diable utilise la peur pour nous empêcher de pouvoir œuvrer pour Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, Dieu est en train de délivrer quelqu'un de la peur. Amen. La peur de pouvoir, de ne pas utiliser son don pour Dieu. Amen. Alléluia. Je vais passer rapidement au deuxième point, à cause du temps. Demande à ton voisin, quel est ton don? Pourquoi jusqu'à présent, je ne te vois pas utiliser ce don? Beaucoup de personnes ont des dons. Alléluia. Renée, viens. J'aimerais que tu partes en évangélisation. Choisis 5 personnes ici qui vont t'aider. Ou bien 5 personnes qui peuvent t'aider pour l'évangélisation. Ok. Ok. Oh, levez-vous, la personne qui est en train de... Ok, d'accord. Mais pourquoi tu les as choisis? Tu n'as pas choisi des gens comme Yannou, tu n'as pas choisi Marianne. Pourquoi tu les as choisis? Pourquoi tu les as choisis? Je les ai choisis parce que avec eux, je pense qu'il faudrait facilement leur expliquer ce qu'ils vont faire avec eux. Waouh! Il dit, avec eux, ok, redis ce que tu as dit. Je dis qu'avec eux, j'aurai cette facilité de les communiquer le message. et de mettre en pratique ce que je leur dirai de faire. Alléluia. Merci. Yeah. Le plus souvent, c'est le don vous permet de faire quelque chose très facilement. Et il les a choisis parce qu'il a vu quelque chose en eux. Il ne sera pas obligé de trop s'efforcer pour faire le travail. Et il a vu un don en eux. Il n'est pas parti choisir quelqu'un qui ne connaît pas. Il n'est pas parti choisir quelqu'un qui n'a pas le don pour l'aider. Mais il a choisi des personnes qui sont capables. Moi, je pense que quelqu'un d'Athanaël, je ne vais jamais l'appeler pour l'évangélisation. Je ne sais pas pourquoi il a choisi Nathanaël, mais il a un don. Alléluia. Quelqu'un comme Dimitri, quelqu'un comme Bruni, non. Alléluia. Donc, beaucoup d'entre nous, il faut vous asseoir. Vous allez voir qu'il a choisi des personnes qui ont un don pour l'aider. Alléluia. Et Dieu nous a donné des dons pour pouvoir faire son œuvre. Il ne nous a pas donné les dons pour pouvoir nous asseoir sur nos dons. Amen. La deuxième raison, le fait de cacher vos dons. Dieu vous a donné quelque chose, mais vous le cachez. Vous vous asseyez dessus. Vous ne voulez pas que quelqu'un soit même au courant que tu sais jouer un instrument, que tu sais faire le rap, que tu sais faire, tu sais comment organiser. Amen. Vous vous asseyez sur vous. Si vous regardez bien l'histoire, à la fin, ce serviteur qui n'a pas utilisé son don est parti où? Il est parti en enfer. Se dit que le jour où Dieu viendra, il te dira que, mais je t'ai donné cette possibilité de pouvoir jouer à un instrument. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Je t'ai donné cette possibilité de pouvoir prêcher la parole. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Vous savez, nous avons des dons. Amen. Nous avons des dons. Quelqu'un vous prenez les gens comme Marianne, comment il s'appelle? Quel est ton nom encore? Gav. Yeah. Chacun d'entre vous avez des dons. Mais on cache ces dons. Amen. On les cache. Et on attend que quelqu'un vienne te supplier même pour pouvoir faire le travail. Amen. Mais personne ne viendra te supplier si tu n'utilises pas ton don. Amen. Parce que vous allez voir que les personnes qui ont utilisé leur don dans la Bible, ceux qui ont reçu les 5 talents, il est parti, il a encore reçu d'autres. Et on donnera à celui qui a. Celui qui a déjà, on le donnera encore. Mais celui qui n'en a pas, on retirera même ce qu'il a. Parce qu'il ne veut pas mettre en pratique ce qu'il a reçu de Dieu. Amen. Donc, la partie dont je parle là, c'est dans Matthieu 25, le verset 25 également, qui dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent. Alléluia. Amen. Une des choses également, la troisième raison, une des choses qui empêche les gens d'utiliser leurs dons, c'est le fait de voir les défauts dans les autres. Je vais vous expliquer. Ouais, où est-ce que vous voyez, par exemple, il est en train de jouer au piano. Tu le critiques. Oh, mais il ne peut pas. S'il jouait ces accords-là, c'est mieux. S'il faisait ceci, c'est mieux. Oh, il ne sait pas. Ce n'est pas comme ça qu'on s'assoit sur un piano. Je ne vois pas comment il est assis. Et la réalité, ce n'est pas comme ça qu'on s'assoit devant un piano. Yeah. Vous commencez, la chorale a chanté. Tu as commencé. Parce que tu te dis, lorsque tu vas te mettre à leur place, quelqu'un également va te critiquer. Donc, à cause de ça, tu préfères rester là où tu es. Yeah. Ceux qui critiquent. Yeah. Tu vois le mal partout, mais la manière il prêche, moi je ne pourrais pas prêcher mieux que ça. Et si tu te remettais le micro, tu vas voir que c'est pas aussi facile. Dès que tu prépares ton message, tu viens, tu vois le visage serré devant toi. Tu oublies même le message. Un jour, j'avais donné ma vie à Christ. À un moment donné, j'étais dans un groupe musical. Et puis, on donnait l'opportunité aux membres de venir partager la parole de Dieu. Et le plus, c'est ce que j'ai de le faire. Et des fois, je critiquais, des fois, je disais non. S'il avait dit ça, les gens allaient vraiment touchés. Parce qu'il y avait aussi des problèmes dans le groupe. Et je disais que s'il pouvait même se lever, c'était point dans le preaching, ça serait bien. Et on avait souvent les répétitions les jeudis soirs. Et un jour, on m'avait dit que la semaine prochaine, c'est toi qui vas partager. J'ai dit, hey Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai préparé mon message. Moi, lorsque j'avais pris le message, je prêchais ça à moi, mais je dis, waouh, quel message. Quel message. J'étais trop béni par le message. Donc le jeudi était arrivé, le jeudi matin, j'ai jeûné toute la journée, j'avais même pas mangé. Parce que je répétais seulement le message dans ma tête. J'étais prêt à tout dire, à montrer aux gens que je savais prêcher. J'étais venu, j'ai pris le message. En ce temps, je ne savais pas comment prêcher comme je le fais aujourd'hui. Et j'avais des notes. Et je savais que je pouvais lire les notes facilement. J'étais venu, je vous assure que je n'arrivais même pas à voir les notes à cause des visages qui étaient devant moi. Yeah! Et c'est après, j'étais vraiment déboussolé. Bishop Saki a aussi raconté une histoire pareille. Yeah! J'étais totalement déboussolé. Tout ce que j'avais comme message à prêcher, tout ce que j'avais comme des points clés que je devais donner, je les avais oubliés. Et après ça, j'ai dit, c'est pas bon de critiquer les gens. Tu ne sais pas, parce que vous ne savez pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Peut-être vous allez dire que vous êtes en train de critiquer la chorale. Vous ne savez pas ce qui s'est passé pour qu'ils viennent même très tôt ce matin pour pouvoir répéter, chanter ce chant. Vous critiquez certains prédicateurs, vous ne savez pas. Mettez-vous à leur place, vous allez voir. Et c'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent ne pas le faire, parce que je ne veux pas être critiqué par les autres. Dès que tu sais qu'on peut te critiquer toi-même, tu préfères ne pas le faire. Et c'est pourquoi beaucoup de gens n'utilisent pas leurs dons. Tu sais très bien chanter. Et lorsque tu entends les gens chanter, tu sais, tu peux savoir la note, mais tu peux chanter la note. Il y a des gens qui sont comme ça, ils chantent la note avec toi. Il peut te dire que cette note c'est mi, ce que tu as chanté là c'est fa, c'est sol. Il te dira cela. Yeah. Et tu te mets dans une situation où comment appelle-t-on, tu critiques tellement les autres qui sont devant, tu vois le mal partout. Et lorsqu'on te donne l'opportunité de le faire, tu ne pourras pas le faire parce que tu as critiqué des gens et tu ne pourras pas également le faire. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous décidons de ne pas utiliser nos dons. Dieu a besoin des jeunes aujourd'hui pour pouvoir travailler pour lui. Et Dieu nous a accordé les dons. Comme je disais au début, le don que Céline a, je n'ai pas ce don-là. Ouais, soit vous prenez un être humain, en informatique on appelle ça, primary key. Ceux qui font le base de données, comment on dit ça en français? Primary key en français, c'est quoi? En fait, un chiffre qui est accordé à chaque personne. Lorsque vous êtes dans les bases de données, les données ne doivent pas être les mêmes. Du genre, par exemple, les données d'Olias ne doivent pas être mes données, il doit y avoir une différence. Donc, il y a un numéro qu'on attribue à chaque personne. Et c'est la même chose que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Dieu a une clé pour chaque personne. Dieu a accordé une clé à chaque personne, un don à chaque personne. Certaines personnes, ils ont deux dons. Certaines personnes, c'est trois. Certaines personnes, c'est cinq. Peut-être que c'est un. Un seul talent. Un seul don qu'ils ont. Mais ça dépend de la manière dont tu utilises ce don-là. Et beaucoup d'entre nous asseyons sur le don que Dieu nous a donné avec des excuses. Amen. Mais ce matin, je suis en train de voir Dieu délivrer ses enfants. Je vois beaucoup de personnes ici qui peuvent faire quelque chose pour Dieu. Yeah. Combien de fois on souffre pour pouvoir trouver des gens pour travailler. Parce que lorsque je prends quelqu'un comme, comment il s'appelle? Et quel est ton nom encore? Murphy. Murphy a un don que je n'ai pas. Et c'est ce qui me permet de le respecter. Parce que ce qu'il a, je ne l'ai pas. Ce qu'il a, je ne l'ai pas. Vous ne pouvez pas me dire que ce qu'il a, je l'ai. Non, non, non. Il a quelque chose que je n'ai pas. Et j'ai quelque chose qu'il n'a pas. C'est pourquoi il me respecte. Et moi aussi, je dois le respecter. Parce qu'il me dépasse à un niveau. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne vous basez pas sur votre tempérament pour déterminer ce que vous devez faire pour Dieu, mais ce que vous devez être dans la vie. Certaines personnes disent que moi je suis phlegmatique, des fois certaines personnes disent que je suis trop sanguin. Non! Dieu a donné un talent à chaque personne, a donné des dons à chaque personne. Et c'est possible pour nous de faire le travail de Dieu. sans pour autant critiquer les autres, voir le mal partout. Alléluia. Et ce que la personne qui avait reçu un seul talent, regardez les autres. Tu as donné 5 dons à cette personne. J'aimerais bien prier et prêcher un jour comme Bishop Dad. J'aimerais bien prêcher un jour comme Archbishop Duncan William. Bishop disait qu'un jour, il analysait Archbishop Duncan William. Il était parti prêcher quelque part. Et il montrait aux gens. Parce qu'il a perdu ses deux doigts. C'est deux doigts qu'il a perdu, c'est trois. Il a perdu trois doigts. Il était guidé par un esprit maléfique qui lui a poussé à mettre ses doigts dans le feu. Yeah. Un esprit maléfique. Donc, lorsqu'il était parti, il avait un témoignage à donner. Et ce témoignage était tellement fort que lorsqu'il avait fini de prêcher, qu'il a fait l'appel au Seigneur, beaucoup de personnes sont venues devant. Bishop Daguerre a dit, mais moi, je n'ai jamais mis ma main dans le feu. Je n'ai jamais fumé. Je ne suis jamais parti en boîte de nuit. Pouvoir dire aux gens que j'étais mauvais. Parce que le plus souvent, le témoignage sauve beaucoup de personnes. J'étais mauvais, j'étais ceci, j'étais cela. Maintenant, je suis ceci. Il y a une puissance derrière le témoignage. Mais il se disait que comment est-ce que lui aussi peut le faire? Mais Dieu lui a donné un talent, un don qu'il pouvait aussi utiliser pour gagner des âmes. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Malgré qu'il n'a pas une histoire aussi dramatique pour dire que, oh, un jour, moi aussi, je couchais avec... comment peut-on, Austin qui disait qui faisait quoi? Il avait un thème. Il nettoyait les filles. Yeah. C'est un nettoyeur. Vous voyez, prendre les photos, c'est un nettoyeur. Yeah. Lui ne touche pas les filles, il nettoie les filles. Yeah. Par exemple, Renès qui avait dit qu'il fumait le chanvre. Lève-toi pour que les gens te voient. Si tu ressembles à un chanvreur. Si on ressemble, je t'envoie. Mais tes yeux aussi ressemblent un peu, hein? Yeah. Oh, tu peux t'asseoir. Yeah. Il a un bon témoignage. Il part quelque part. Il peut facilement. Mais Dieu a donné à chacun d'entre nous quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être comme Rinès pour pouvoir faire le travail de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être comme Sister Simone pour faire le travail de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être comme moi pour faire le travail de Dieu. Dieu nous a donné à chacun un talent. Dieu a donné à chacun de nous quelque chose. Mais nous n'assignons pas sur nos excuses. Parce que la réalité, si on changeait d'environnement, ces mêmes personnes qui sont calmes dans l'église, qu'on les voit comme s'ils ne parlent pas. Dans un autre endroit, on les voit que ce sont des personnes qui parlent, qui animent. Les orateurs. Ce sont des personnes qui encouragent. Ils encouragent ailleurs. Ils encouragent ailleurs. Alléluia. Est-ce que tu es en train de changer ce matin? Est-ce que tu es en train de décider ce matin que Seigneur, je veux utiliser les talents que tu m'as donnés pour ton service? Est-ce que tu es en train de décider cela ce matin? Ne regarde pas les fautes des autres. Parce qu'à l'heure que tu regardes les fautes des autres, tu verras, nul n'est parfait. Dieu ne nous a pas donné des dons pour être parfait. Dieu nous a donné des dons pour travailler. Et à chaque fois lorsque tu fais un travail, il y a toujours des erreurs. Moi, là, une des choses que je... En fait, le plus souvent, ceux qui regardent au match de foot, match de tennis, ou bien match de basket, le match de foot, vous allez voir les gens qui ont le gros ventre, qui ne peuvent même pas courir. La manière qu'ils décrivent le match, si tu pouvais faire la passe à telle personne, tu pourrais même tirer de ce côté du terrain. Si tu donnes le ballon, il ne pourra même pas mettre son pied même dessus. Parce que son ventre est tellement gros qu'il ne pouvait même pas regarder le ballon. La manière qu'il commente, amenez-les seulement sur le terrain, vous allez voir que ils seront pires que Ronaldo. Alléluia. Amen. Dieu a donné à chacun un don. Décidons de ne pas critiquer les autres. Et nous serons bénis au nom de Jésus. Alléluia. Je vais donner le dernier point. Le verset 24. Puis celui qui avait reçu un seul talent s'est approché et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme exigeant, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Une des choses qui nous pousse également à mépriser, à ne pas utiliser nos dons, c'est de mépriser ce que nous avons. C'est mépriser ce que nous avons. Tu convoites l'autre. Si je pouvais bien chanter comme l'indieuse, je devais être à Praise and Worship. Si je pouvais bien chanter comme telle personne, je devais être après un worship. Tu convoites le talent des autres parce que tu méprises ce que toi tu as. Tu te crois inférieur aux autres. Je vous dis, personne n'est supérieur à toi et personne n'est inférieur à toi. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que si on commence à comparer chacun d'entre nous, on va voir qu'il y a beaucoup de choses que tu as que je n'ai pas. Beaucoup de choses que Céline a que je n'ai pas. Et j'ai beaucoup de choses qu'ils n'ont pas. Et je vais me vanter de ce que j'ai. Parce que j'ai ces choses-là. Mais le problème, c'est que si je vais dans la vie de quelqu'un d'autre, je verrai que c'est le contraire. Pour quelqu'un comme Aurélie, je n'arrive, c'est ça. De plus, je me demande comment elle arrive à travailler. Elle ne se fatigue jamais. Et elle me dit que moi, je ne me fatigue jamais. Elle dit non, c'est faux. Toi, j'aimerais bien avoir ce que tu as. Yeah. Parce que je vois autre chose qu'elle ne voit pas en elle-même. Et elle aussi voit quelque chose en moi que moi aussi, je n'ai pas encore bien vu. Alléluia. Ne méprisez pas ce que Dieu vous a donné. Alors que tu méprises ce que Dieu t'a donné, le don que tu as, tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as donné cette chose-là? Lorsque j'étais enfant, je prie à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as fait naître dans une famille pareille? J'aurais bien aimé être dans une autre famille. Yeah. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu que je suis né dans cette famille-là. Parce que peut-être aujourd'hui, je ne serais pas sauvé. Yeah. Parce que mes amis que je convoitais lorsque on était enfant, ils avaient leurs parents. Les parents étaient riches. Mon père était également riche comme les autres. Mais la manière mon père me traitait et la manière, comment appelle-t-on, mes amis, les parents de mes amis aussi, on les traitait, c'était différent. Yeah. C'était différent. Et j'étais toujours dit, mais pourquoi je suis née dans cette famille? Aujourd'hui, si je me compare à ces amis, certaines personnes sont décédées. Certaines personnes, il y a un, le plus souvent, il venait avec la voiture de son père. On partait, il nous amenait au restaurant pour aller manger. La dernière fois, j'ai appris qu'il est décédé. Il est décédé très jeune. Yeah. Alléluia. Ne méprise pas ce que Dieu t'a donné. Ne méprisez pas ce que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné une clé, quelque chose que personne ne peut vous enlever. Personne ne pourra vous enlever ce que Dieu vous a donné. Ne vous asseyez pas dessus. N'allez pas cacher le don que vous avez. Le don que Dieu vous a donné, que personne ne méprise ce don-là. Que personne ne vous dise que vous ne valez rien du tout. Yeah. À cause de votre passé. Et plus souvent, les sœurs vivent ce genre de choses-là. Elles se méprisent et disent non. J'étais le matelas du lycée. Aujourd'hui, est-ce que je peux trouver un mari? Est-ce que je peux faire... Qui t'a dit que Dieu ne t'a pas sauvé? Qui t'a dit que tu n'as pas un nouveau départ avec Jésus? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Parce que la réalité, c'est qu'il y a pire que toi dans la Bible. Il y a quelqu'un dans la Bible, Dieu dit, selon mon cœur, qui est parti tuer... Non, prends la femme d'autrui. Il a tué sa femme. Et Dieu l'appelle après, l'homme selon mon cœur. Il y a pire que toi dans la Bible. Ne te méprise pas. Alléluia. Ne te méprise pas. À partir d'aujourd'hui, décide de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Décide de sortir de là où tu es. Et de faire quelque chose pour Dieu. Dieu nous appelle autant que nous sommes. L'œuvre est très grande. Nous avons beaucoup de choses à faire. Une seule personne ne peut pas le faire. Nous devons le faire ensemble. Et parce que Dieu a donné des dons à chacun d'entre nous. Là où je ne pourrais pas le faire, tu le feras. Là où tu ne pourras pas le faire, je le ferai. C'est pourquoi nous sommes ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Nous avons terminé. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier pour toi-même. Et c'est une prière qui est sérieuse parce que, à la fin, je vais continuer la semaine prochaine, si Dieu permet. Une des choses que vous devez savoir, c'est que le serviteur qui avait caché ses talents, qui a décidé de ne pas l'utiliser pour Dieu, a été jeté en enfer. Est-ce que ça sera ton histoire lorsque Dieu va venir? Tu diras à Dieu, non Seigneur, je n'avais pas le temps. Mes études étaient là. Je ne pouvais pas te servir comme je devais faire. Je savais jouer un instrument. Moi, j'avais un ami, lorsqu'on était en classe 2, il avait l'âge de 14 ans. Il gagnait les concours de piano. Et je lui ai demandé, mais comment est-ce que tu faisais? Il partait sur le Côte d'Ivoire, ils ont gagné des concours de piano. C'est pas quel genre de concours. Il gagnait ça, diapason. Il gagnait toujours ce genre de concours-là. Et je lui ai demandé, mais comment tu arrives à jouer au piano comme ça? Il m'a dit, non, c'est mon père qui m'a permis. Et il avait aussi un don que tu lui avais donné. Certaines personnes sont en train d'apprendre le piano hein, jusqu'aujourd'hui. Un jour, je disais à ma femme, j'ai demandé à ma femme de jouer quelque chose. J'ai demandé, est-ce que tu sais jouer au piano? Et elle a dit non, je ne sais pas jouer. Bon, lorsque j'étais enfant, on nous a appris. Elle avait touché le piano du manège. J'ai dit, waouh, toi, tu dois bien jouer au piano. Parce que normalement, ce duaté que tu as fait, ce n'est pas normalement un duaté pour quelqu'un qui ne connaît pas jouer au piano. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours méprisé cela. Alléluia. Mais ce matin, j'en ai demandé pardon à Dieu d'avoir mis de côté, d'avoir méprisé ce que nous avons eu reçu, d'avoir eu peur, que cette peur puisse quitter nos vies à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer à prier pour toi-même? Prie pour toi-même ce matin. Dis, Seigneur Dieu, aie pitié de moi d'avoir pas utilisé ce que tu m'as donné, d'avoir caché ce que tu m'as donné, d'avoir eu peur, d'avoir critiqué les autres. Oh, prie ce matin pour toi-même. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié. On peut faire plus que cela. Certaines personnes ont 10 talents, 1000 talents. Certaines personnes ont plusieurs dons. Mais tu n'utilises qu'un seul don pour Dieu. Ce matin, prie pour toi. Demande pardon à Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Parce que nous ne voulons pas un jour rentrer dans sa présence. Il nous dira que nous sommes des mauvais serviteurs. Prie ce matin pour toi-même. Prie ce matin. Demande à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Oh, prie ce matin. Je vais entendre des chrétiens qui crient à Dieu jusqu'à encore quelques minutes. Qui crient à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Qui demande à Dieu, Seigneur, fais-moi découvrir ce talent que tu m'as donné. Fais-moi découvrir ce talent que tu m'as donné, Seigneur Dieu. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Alléluia. Ce matin, je veux juste donner l'opportunité à certaines personnes ici ce matin. Nous ne pouvons pas partir d'ici sans donner l'opportunité à certaines personnes de faire la paix avec leur Dieu, de donner leur vie à Jésus. J'ai parlé des talents. Un jour, Dieu reviendra. Le Maître reviendra. Il viendra poser la question à chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que tu vas lui répondre? Si tu ne le connais même pas, si tu ne te connais même pas, tu ne le connais pas, lui aussi ne te connaît pas. Ce matin, je veux donner l'opportunité à cette personne qui veut donner leur vie à Jésus de le faire. Alors que toutes tes têtes sont baissées, les yeux fermés. Que tous tes yeux soient fermés. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, fais-moi seulement un signe de la main là où tu te trouves. Je veux dire, Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie à partir d'aujourd'hui. Je veux marcher avec toi. Je veux te servir. Je veux te donner ma vie. Je veux me détourner de tout ce que je faisais. Le don que tu m'as donné, que j'utilisais pour le monde, je veux l'utiliser pour toi aujourd'hui. Et si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, fais-moi seulement signe de la main là où tu te trouves. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas... Le salut est personnel. Le salut n'est pas collectif. Oh, tout le monde est sauvé. Non, c'est personnel. Tu ne viendras pas répondre à ce que je dois répondre à mon Dieu. Tu répondras devant ton Dieu. Et si tu es ici ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus, n'aie pas honte. Alors que tu as les mains levées, peut-être tu n'as même pas levé la main. Je vais aussi te demander quelque chose, de venir vers moi ce matin, nous allons prier ensemble. Viens ce matin, nous allons prier ensemble. Oh, encouragez-les pour qu'ils puissent venir. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, viens. Nous allons prier ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici ce matin qui doivent donner leur vie à Jésus. Comme le sketch de drama l'a montré. Peut-être c'est la dernière fois que tu devais faire cette paix avec Dieu. Tu ne l'as pas. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse baisser la tête. Et si tu veux également venir, viens. Nous allons juste baisser la tête. Nous allons répéter cette prière. Et je vais demander à l'assemblée également d'aider nos frères à faire cette prière ensemble. Dites après moi, Seigneur Jésus, je te remercie. Merci de m'avoir parlé ce matin. Merci de m'avoir donné un don. Merci parce que tu m'as fait découvrir aujourd'hui que je suis ton enfant, que je t'appartiens. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Je veux utiliser mes dons pour toi parce que c'est toi qui m'as donné ces dons. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Écris mon nom dans le livre de vie. Je veux être un bon serviteur. Que tu me dises à la fin, viens dans la présence de ton maître, bon esprit des serviteurs. Seigneur, merci pour ma vie ce matin. Merci de m'avoir sauvé ce matin. Merci pour le pardon de mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Tous les liens que j'ai tissés avec le diable, soit consciemment ou inconsciemment,